Osmose Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres. Sur Osmose Radio. Purple AIDS, la fumée violette, c'est un petit peu celle qui me sort des naseaux et des oreilles en ce moment, ce soir même, au moment où je vous parle, tellement je suis content de vous retrouver, mes petits loups. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, vous êtes bien avec Stéphane, vous êtes bien dans votre émission Rock and New Wave, en ce mardi soir à partir de 19h, vous êtes bien dans l'heure du loup, et ce soir j'ouvre une énième saison en vous prenant un petit peu à rebrousse-poil, chers amis, parce que vous avez l'habitude de me voir explorer et de découvrir avec moi la musique à partir des années 70, 80, 90 jusqu'à aujourd'hui. Et là, ce soir, pour la première émission, ce mois d'octobre, eh bien, j'ai envie de faire un petit saut dans les années 60 en faisant une playlist consacrée au festival de Woodstock, dont on célébrait les 50 ans cet été au mois d'août. Par conséquent, eh bien, j'avais envie d'ouvrir avec un grand musicien devant l'éternel, bien entendu, Jimi Hendrix, avec le titre Purple AIDS, qu'il avait eu l'occasion de jouer, bien entendu, pendant l'un des derniers concerts de ce festival mythique dont on va parler ce soir, le set de Jimi Hendrix pendant le festival de Woodstock. C'était sans doute un des meilleurs concerts de sa vie. C'était beau comme du John Coltrane, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Et on va continuer avec un autre groupe qui lui aussi a fait une très très belle prestation lors de ce festival. C'était Santana avec le titre Soul Sacrifice. On vous avait pas prévenu hein, sur les réseaux sociaux d'Osmose Radio que vous seriez amené à sacrifier votre âme en écoutant cette radio. Eh bien, vous voilà pris et vous voilà à le paguer. Et vous êtes là encore pour une heure, chers amis. Et à l'instant, bah, c'était Carlos Santana qui vous extirpait votre âme en passant par les oreilles à coups de cutter, en vous vrillant les tympans à l'occasion et en faisant brûler tout ça sur un bûcher qui extirpait, enfin qui exhumait, qui exhalait des fumées violettes, comme le premier morceau qu'on écoutait en début de cette émission. Et puis en même temps, vous avez pris votre pied, j'en suis sûr, hein, comme disait Arnold Schwarzenegger. Ah, la douleur est source de plaisir. Enfin, je sais plus s'il disait ça dans une version originale ou dans une parodie. Enfin bref, quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus, chers amis, sur Osmose Radio. Vous êtes de retour dans l'heure du loup en ce mardi soir, votre émission Rock and New Wave. Et c'est parti pour une nouvelle saison. Alors, on peut s'étonner tout de même, et moi le premier d'ailleurs, qu'on explore des musiques des années 60 et plus précisément de la musique de la période hippie dans cette émission Rock and New Wave qui se consacre plutôt à l'accoutumée aux musiques punk, rock, new wave et parfois un petit peu d'électro, enfin bref, tous les styles qui nous font plaisir depuis le début, la fin des années 70. Et pourtant, on aurait tort de pas y jeter un œil de temps en temps. Et ça me fait plaisir de faire cette digression ce soir. Pourquoi ? Parce que moi, je suis né à la fin des années 70, justement. Et pendant toutes les années 80-90, j'ai dû subir un petit peu l'arrogance complice des gens du baby boom, qui étaient justement les gens qui ont vécu cette période hippie de la fin des années 60. Et qui s'en souviennent pour certains, qui s'en souviennent pas pour d'autres. Hein, parce que, comme disait Robert Charlebois, ceux qui se souviennent des années psychédéliques, c'est ceux qui les ont pas connus parce que nous autres, on était tout le temps défoncés, donc il nous en manque des grands bouts dans la mémoire. Voilà, mais c'était Robert Charlebois au Québec à l'époque. Mais bon, toujours est-il que les hippies, c'était un peu la génération de baby boom, la génération née après la Seconde Guerre mondiale. Et ces gens-là, dans les années 80-90, atteignaient un petit peu l'âge mûr. Et avec la complicité des médias qui avaient besoin de faire de l'audience et des maisons de disques qui avaient besoin de refourguer des CD, eh bien, ces gens-là ont bouffé, avec la nostalgie à laquelle on est tous soumis quand on arrive à un certain âge, on bouffait de la musique des années 60 en compilation, en réédition d'albums et j'en passe. Et du coup, nous, on a dû subir un petit peu parfois l'arrogance de ces gens-là qui nous disaient « Ouais, de toute façon, depuis que Jimi Hendrix, Janis Joplin et Brian Jones sont morts, on fait plus de bonne musique. » Donc, à les écouter, en gros, ça faisait 20-30 ans qu'on faisait plus de bonne musique. Bref. Et donc, tout ça, c'était pour les gens comme moi et ceux-mêmes sans doute qui sont venus après, c'était assez casse-couille quoi, de devoir supporter ce message suffisant. Et pourtant, on aurait quand même eu tort de fermer les yeux sur cette période-là qui ont été très riches non seulement en belles initiatives, hein, les hippies n'ont pas fait que des conneries, ont pas passé leur temps seulement à se défoncer, mais ont aussi été à l'origine parfois de belles aventures musicales et j'ai envie de les évoquer en moins ce soir en focalisant sur cet événement majeur du festival de Woodstock qui dans l'imaginaire n'est pas un festival de plus dans les années 60 mais incarne un petit peu le festival avec un grand F, c'est-à-dire qu'il personnifie un petit peu le rassemblement du festival rock tel qu'on se l'imagine depuis et tel qu'on l'a réédité parfois avec une bien meilleure organisation d'ailleurs, mais c'est un petit peu l'alpha et l'oméga du festival de rock. Les festivals, il y en a, des festivals de musique, il y en a depuis le 19e siècle, hein, ça n'a rien inventé Woodstock, mais pourtant c'est un petit peu l'acmé du truc et notamment le point culminant, j'ai envie de dire, de la fin de cette période du rock des années 60. Voilà. Donc du coup, voilà, le principe est posé. Je vous ai dit pourquoi ça me tenait à cœur tout de même d'explorer cette scène musicale et notamment celle des groupes qui se sont produits au Festival de Woodstock en août 1969, il y a donc peu ou prou 50 ans. Et on va revenir aux fondamentaux après cette déclaration de principe. Les fondamentaux, notamment dans la culture musicale américaine, c'est le Negro Spiritual. Les bons vieux chants qu'on chante à l'église et que notamment la communauté noire s'était réappropriée et qui a été aussi exploré par ces gens-là qui ont réinterprété cet héritage musical. C'était notamment le cas d'un groupe de hippies justement, de gentils couillons qui jouaient de la flûte traversière, qui avaient des robes à franges, enfin je vous laisse imaginer un petit peu le délire. C'était le groupe Sweetwater qui aurait dû ouvrir le festival en fait, ils étaient prévus comme ça mais coup de bol, pas de bol disons, ils attendaient peut-être 50 000 personnes au festival, finalement il y en a eu 500 000, il y avait un embouteillage sur 100 km entre New York et Bethel, c'est-à-dire le petit bled où se tenait sur la côte est où se tenait le festival, parce que le festival de Woodstock n'a pas eu lieu à Woodstock mais à Bethel, genre 50 bornes à côté. Bref, on s'en fout, toujours est-il que Sweetwater était coincé dans les embouteillages à l'heure où ils auraient dû ouvrir le festival. Finalement, ça a été le deuxième groupe à jouer, mais j'avais quand même envie de vous laisser écouter leur interprétation du morceau traditionnel I Feel Like Motherless Child. guitar, Mike. D'un négro spiritual interprété par des petits blancs, on voyait un négro spiritual réinterprété, je dirais même improvisé, par un grand black. À l'instant, c'était le chanteur folk Richie Havens qu'on écoutait dans une improvisation qu'il avait fait de ce fameux thème du négro spiritual de la musique noire américaine, I Feel Like a Motherless Child. Et en fait, il en avait fait une improvisation en attendant le prochain groupe, Sweetwater, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que je vous cache pas que le vendredi, c'était à la mi-août 1969, c'était quand même un beau bordel en ce début de festival. Il y avait des embouteillages monstres, vous disais-je, et il y avait certains groupes qui étaient coincés dans la circulation, notamment Sweetwater, donc ce petit groupe de hippies, c'était genre un petit peu, ils étaient un petit peu dans le sillage de Jefferson Airplane, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ils étaient de Californie eux aussi, et donc voilà, c'était un groupe de hippies qui avait réinterprété dans le morceau qu'on écoutait précédemment ce fameux titre du Negro Spiritual, et ils auraient dû ouvrir le festival en jouant parmi les premiers, parce que c'était un groupe populaire à l'époque, et finalement, eh bien, il s'était coincé dans la circulation. Richie Havens était là avec sa guitare, il était un peu en avance lui, et les organisateurs ont couru vers lui et ont dit: mon gars, on a besoin qu'il nous gagne du temps. Alors du coup, le mec, il a fait son set, alors qu'il aurait dû jouer en deuxième lui, il a fait son set, et le truc c'est qu'il y a eu 3 ou 4 rappels parce que les gens aimaient bien. C'était un gars qui faisait que des reprises en fait, mais il les faisait bien, et il les faisait à la guitare sèche, et il avait le truc et tout, et donc il y a eu plusieurs rappels, et le mec, il avait plus rien à son répertoire quoi. Donc il a entrepris totalement improvisé de rejouer ce morceau là, et ce morceau de fête est devenu mythique et c'est notamment un grand moment du film qui a été tiré du festival de Woodstock un an plus tard, le film documentaire qui avait été tourné avec des images d'archives. Voilà, chers amis. Donc, un beau bordel par rapport à la circulation et au cours du festival, parce que bon, les organisateurs avaient été un petit peu dépassés par l'affluence, ils ne s'attendaient pas autant de monde. Il y a eu 500 000 personnes, tout de même un demi-million de personnes dans ce grand terrain. Ça faisait quand même beaucoup de monde et une certaine densité de population et toutes les couilles techniques qu'il y a eu notamment un petit peu comme celles qui sont liées à mon micro ce soir parce que ça déconne un peu mais c'est pas grave. Et toujours est-il que ouais, il y a eu du vent, il y a eu de la pluie, il y a eu de la boue et vaille que vaille, le festival a continué quand même. Et parmi les concerts un petit peu merdiques qu'il y a eu, il y a eu le Grateful Dead. Alors vous me direz, ouais, le Grateful Dead, la musique est un groupe psychédélique chiant qui fasse un concert de merde, en même temps ça fait un peu pléonasme. Certes, les goûts et les couleurs, c'est vous qui voyez, mais il faut dire que les conditions climatiques avaient vraiment pas été terribles pour le concert de Grateful Dead le samedi soir. Et du coup, après, il devait y avoir Creedence Clearwater Revival, un groupe californien de blues rock vraiment intéressant, en tout cas que moi j'aime beaucoup, et qui aurait dû jouer juste après, mais le passage a été décalé. Et en fait, quand John Fogerty et ses potes du Creedence Clearwater Revival sont montés sur la scène. Bon, avec les projecteurs, ils ne voyaient pas vraiment le public, mais ils ont dit « il y a quelqu'un » et en fait, personne n'a répondu. Tout le monde était soit défoncé, soit épuisé, endormi, etc. Et John Fogerty s'est dit « bon, on va devoir réveiller ces gens-là qui ont été endormis par le groupe précédent. Ouais, super !» Bref, et donc, c'est dans cet ordre d'esprit qu'il a commencé le concert. Et puis finalement, au cours du set, ils n'étaient pas très enthousiastes, ils ont eu des problèmes de son eux aussi. Et puis à un moment, il a vu quelque part dans un halo de lumière un gars tout seul au milieu de la foule des cadavres de cadavres façon de parler, mais en tout cas de gens qui étaient en train de dormir dans la boue. Il voyait un mec qui était tout seul qui dansait et qui disait « vas-y John, on est tous avec toi ». En fait, bon, on est tous avec toi, facile à dire quand on est tout seul. Toujours est-il que ça lui a remonté le moral, il s'est dit « ouais, il y a quand même un gars qui m'écoute ce soir ». Et j'ai fait tout le reste du concert pour lui. Et bien voilà, donc John Fogerty a eu quand même un petit moment de réconfort pendant ce concert qui n'aura pas été mémorable dans la carrière du groupe et dont je vous propose d'écouter ce soir le morceau d'introduction Born on the Bayou. Yeah, I heard that, man. How are y'all? How are you out there? Are you okay? You're not, yeah, you're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything? What does that mean? Because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man. You know, it's just music. Music's supposed to be different than that. Come on, come on, come on, come on. Janis Joplin, à l'instant Janis Joplin, dont on ne doute pas qu'elle mettait beaucoup de petits morceaux de son cœur quand elle chantait, notamment ce morceau qu'on vient d'écouter, Piece of My Heart, et c'était enchaîné juste avant avec un groupe américain qui faisait une fameuse reprise, enfin une reprise du fameux morceau de Hugo Frey, Je suis né dans la Camargue, c'était Francis Cabrel, autant pour moi, enfin toujours est-il que c'était donc Je suis né dans la Camargue, et en américain ça donnait évidemment Born on the Bayou. Non, je déconne évidemment. J'en vois déjà qui sont en train de s'étrangler. À l'instant, c'était évidemment juste avant, c'était le groupe de John Fogerty, Creedence Clearwater Revival. Et on aurait pu avoir l'impression que c'était des gens qui venaient du fin fond de Louisiane, alors qu'en fait, c'était des Californiens. Et ils chantaient donc ce titre, Born on the Bayou, avec lequel ils avaient ouvert leur prestation au festival de Woodstock. Et Janis Joplin, elle s'était produite aussi lors de ce fameux festival. C'était un petit peu une tête d'affiche. Et il y a une anecdote en fait dont vous avez pu avoir un petit ordre d'idée en écoutant le début du morceau, parce qu'elle s'adressait au public en fait le soir où elle prenait la scène. Elle s'adressait au public en demandant: ça va, vous avez besoin de rien, etc., vous avez de l'eau, vous avez une tente, vous avez pas perdu votre copine, enfin bref, on l'appelait la mama cosmique, cette dame là et pour le coup je veux pas trop en faire des tonnes, mais en attendant, il se trouve qu'avec cette gentille attention de s'adresser aux gens en leur demandant si tout allait bien, je crois que c'est la seule à l'avoir fait d'ailleurs pendant le festival, dites-moi si je me trompe. Et donc, ben voilà, elle portait bien son nom de Mama Cosmique. Mais pour l'anecdote, contrairement au groupe qui était en retard le premier jour, les organisateurs avaient pris le parti de faire venir les artistes suivants des journées du samedi et du dimanche, voire du lundi, par hélicoptère, du coup. Et du coup, Janis Joplin et Joan Baez sont arrivés par hélicoptère. Et quand elles ont survolé la masse du demi-million de personnes qui étaient devant la scène, Janis Joplin, qui était déjà un petit peu flippée en général avant ses concerts, là a vraiment eu très très peur, quoi. Elle s'est dit, il va y avoir une émeute, c'est pas possible. Et donc, vu qu'elle était déjà portée sur la bouteille en temps normal, eh bien, je vous dis pas le cocktail qu'elle a pris avant d'entrer sur scène. Mais bon, ça explique peut-être en partie, je ne sais pas, la vigueur, si j'ose dire, pour utiliser un euphémisme, de ses prestations. Mais en attendant, ben, elle avait quand même trouvé le moyen, dans son délire ou pas, d'avoir eu cette gentille attention pour le public. Est-ce que vous allez bien? Vous avez de la flotte, vous avez votre tente, vous n'avez pas perdu votre copine, et j'en passe, et profitez de ces trois jours d'amour et de musique. Janis Joplin était une des têtes d'affiche de ce festival de Woodstock dont on parle ce soir dans l'heure du loup, chers amis, sur Osmose Radio. Peut-être que vous nous rejoignez. Vous retrouverez la première partie, si vous l'avez loupé incessamment sous peu, dans la rubrique podcast du site osmose-radio.fr, pardon. Et toujours est-il que là, ce soir, on continue dans cette playlist consacrée à la musique de la fin des années 60 à l'occasion des 50 ans de Woodstock qu'on fêtait au mois d'août il y a quelques temps de cela. Voilà, chers amis. Et je vous disais, ouais, Janis Joplin était une tête d'affiche, et ce qui est un peu curieux quand on prend du recul par rapport à la programmation du festival, eh bien c'est que les artistes les mieux payés n'étaient pas forcément ceux qui nous ont laissé le souvenir le plus mémorable, quoi. Par exemple, après Jimi Hendrix, le groupe qui était le mieux payé, c'était un groupe de jazz rock dont on se souvient pas du tout quelques dizaines d'années après, quoi. Pour vous dire, j'ai même omis de noter leur nom. Et donc il y aurait dû y avoir les Rolling Stones, bien entendu, mais ils avaient décliné, et après ils s'en sont mordus les doigts quand ils sont allés faire le concert d'Altamont. Ça, c'est ce que dit la légende. Plus prosaïquement, en fait, ils avaient demandé trop de thunes et les organisateurs du festival n'avaient pas les moyens de les payer. Donc du coup, ben, les Rolling Stones, un petit peu par avarice, n'ont pas fait le festival de Woodstock, et à mon avis, ils s'en sont mordus les doigts. Quoi qu'il en soit, mais il y a plein de groupes qui étaient manquants, si j'ose dire, à l'affiche. Il n'y avait pas les Doors, il n'y avait pas le MC5, par exemple. Il n'y avait pas Bob Dylan non plus, qui était pourtant habité à côté, que tout le monde espérait sur la scène. On avait même pris le parti d'organiser le festival de Woodstock à Woodstock, parce que Bob Dylan habitait à quelques kilomètres à côté, mais ce con-là a préféré rester chez lui. Et du coup, bon, bah, les gens ont fait la fête sans lui. Et toujours est-il que, pour rejoindre ce que je disais à l'instant et d'arrêter de digresser tout le temps, eh bien, Janis Joplin était une des têtes d'affiche. C'est pas forcément elle qui a été le plus payée. Et pourtant, c'est elle qui nous laisse un des plus beaux souvenirs. Et certains groupes qui étaient à l'affiche de ce festival, parfois on les a oubliés, même aux États-Unis d'ailleurs. Et quelque chose d'assez bizarre aussi, c'est que pour nous, Woodstock, c'est vraiment le festival de rock, comme je vous le disais tout à l'heure. Et pourtant, il y avait une bonne partie de la programmation qui n'était pas forcément rock du tout, quoi. C'était très orienté musique acoustique. Enfin, vous me direz, c'était des hippies, c'est normal, mais tout de même, il y avait beaucoup de groupes de folk, de country music, d'americana. Enfin bref, vous voyez, des chanteurs à guitare chanteurs, quoi. Et donc, du coup, il y avait des parfois des chanteurs un petit peu soporifiques, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, le film documentaire qui était sorti un an après passe parfois un petit peu vite dessus. Et du coup, il y avait par exemple Arlo Guthrie, le fils de son père, Woody Guthrie, qui lui aussi s'illustrait dans la musique folk, dans les protest songs. Il y avait John and Bess, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, des valeurs sûres comme ça, mais il y avait aussi des groupes un peu plan-plan qu'on a oublié avec le temps. Et finalement, c'est peut-être pas très grave, d'après ce que j'ai pu entendre en écoutant cette émission, chers amis. Voilà. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de groupes américains avec ce travers très américain de la country music, etc. Des trucs qui nous paraissent, à nous, de l'autre côté de l'Atlantique, vraiment chiant. Et par contre, il n'y avait pas que des groupes américains, il y avait aussi des groupes britanniques qui avaient beaucoup de succès à l'époque, notamment les Who. Les Who qui étaient sortis de leur période mode et qui étaient totalement dans l'air du temps à ce moment-là et qui sont restés encore pendant la première partie des années 70 au moins, et qui interprétaient un de leurs morceaux mythiques qu'on va écouter tout de suite, Pinball Wizard. Vous en ferez ce que vous voudrez, que l'acide en circulation dans le coin n'est pas fameux. Alors évitez d'en prendre, mais après tout, vous êtes assez grand. Faites simplement attention. I'm gonna Je veux t'emmener ailleurs. Ah non, pardon, c'était pas ça. C'était I want to take you higher, à l'instant par Sly and the Family Stone. Je vous disais qu'il y avait surtout des groupes de rock et de country music dans la programmation du festival de Woodstock. Et puis, au milieu, il y avait cet ovni, Sly and the Family Stone, un groupe de funk, soul, de musique qu'on appelle un peu la musique noire, quoi. La musique qui venait en fait de la communauté noire et qui s'inspirait beaucoup de la soul et du funk naissant avec James Brown notamment. Voilà. Et Sly and the Family Stone avait réussi à coupler tout ça et à faire en sorte de plaire à un public rock parce qu'il avait genre eu 3 ou 4 rappels. Pour donner un ordre d'idée, c'est un petit peu comme quand Daft Punk se produit à un concert de rock, quoi. Avec leur musique électronique, ils arrivent à plaire à un public de rockers. Mais Sly and the Family Stone avait fait le même prodige genre 30 ans avant avec sa musique de funk, de soul music, de trucs qui swing, etc. De la musique qui aurait pu faire la bande originale d'un film de Blaxploitation. Et bien finalement, il a réussi à plaire un public de rockers bien joué. Et c'était enchaîné ce titre dans notre playlist, c'était enchaîné juste avant avec les Britanniques de The Who et le titre Pinball Wizard, qui venait de leur opéra rock Tommy, je crois, à vérifier, je suis pas sûr. Et toujours est-il qu'il y a une anecdote sur ce morceau. Et ce soir, je suis très embêté parce qu'il y a des milliards d'anecdotes que je pourrais vous raconter à propos du festival de Woodstock, donc ces 3 jours d'amour de rock'n'roll et de musique, et notamment bah, une que vous avez pu entendre entre ces deux morceaux, qu'elle est gentiment, c'était un Tecos qui vient sur la scène et qui fait une annonce au micro en disant les gars, les drogues qui circulent parmi nous, en fait, paraît-il, sont pas de très très bonne qualité, donc prenez vos précautions si vous en prenez, quoi. Voilà. Et il y a eu des tas de petites annonces au micro comme ça dans ce gros village qui était le festival de Woodstock pendant ce week-end de la mi-août 69. Notamment, bah, y a eu un moment où pareil, les Tecos sont montés sur scène et on dit hey Billy, t'es quelque part, ta femme est en train d'accoucher, félicitations mon gars, mais il faudrait que tu rejoignes tes potes et que tu lui tiennes la main. Voilà. Et donc après, le John T.B. Sebastian qui faisait son concert après a dédié la chanson à la femme de Billy qui était en train de mettre au monde un nouveau-né, voilà, dans ce beau bordel qu'était le festival de Woodstock. Donc je trouve ça assez mignon, assez croquignolesque. Tiens, une autre anecdote parmi celles que j'ai à vous annoncer ce soir. Eh bien, c'est qu'un journaliste un petit peu consciencieux a trouvé le groupe, enfin le couple qu'il y avait sur la pochette du disque de la compilation de 3 vinyles qu'il y a eu en 1970 et que tout le monde s'était acheté à l'époque, la compilation du festival de Woodstock. On voyait un couple, c'était sans doute le matin, sur une jolie photo. Ils étaient enlacés dans une espèce de couverture d'un grand plaid, en fait, aux couleurs indiennes, etc. Et en fait, il y a un journaliste qui a réussi à trouver ce couple 50 ans après. Et eh bien ils sont toujours ensemble, ils ont un petit peu grossi, ils ont un petit peu moins de cheveux, mais ils sont toujours aussi mignons. Donc voilà, en l'occurrence, l'amour a passé largement le cap du festival, et loin s'en faut. Voilà, chers amis. Et je vous disais, ouais, il y avait des groupes de styles très très différents, notamment Sly and the Family Stone, mais Sly and the Family Stone n'a pas eu l'heure de plaire à tout le monde, par contre. Parce que quand, en 1970, quand justement le film documentaire est sorti au cinéma, quand le disque, la compilation du festival est sorti dans les bacs, eh bien, il y a eu des journalistes de cette émission de France Inter, Le Masque et la Plume, pour dire qu'en fait, quand Sly Stone chantait devant la foule du festival de Woodstock « I want to take you higher », il y avait plein de gens qui levaient la main droite en signe d'enthousiasme, en fait. Et lui a dit, oh là là, quand on voit cette hurluberlu en train de dire je vais vous emmener plus haut, on a que tout le monde en face dans la foule, on a 500 000 personnes qui lèvent la main droite, on se sent un petit peu au procès au rassemblement de Nuremberg. Voilà. Donc vous voyez, les vieux cons déjà à l'époque, c'était pas tout à fait les mêmes, mais déjà l'émission existait à l'époque et ils avaient très bien trouvé de mieux que de faire ce genre de comparaison entre un festival de musique dont d'ailleurs les autochtones, hein, les gens qui vivaient sur place à Bethel, c'était des gens, c'est un petit peu comme si on avait fait un rassemblement hippie dans les années 60 à la Motte Beuvron en France. Pour vous donner un ordre d'idée, Bethel aux États-Unis, le site du festival de Woodstock, c'était vraiment la campagne profonde, quoi. C'était genre à 200 bornes de New York, mais c'était vraiment la campagne américaine profonde. C'est un petit peu comme la Creuse chez nous, quoi, ou la Sologne. Et en fait, les gens étaient très très inquiets de voir débarquer autant de hippies. Ils étaient avec leurs flingues et leurs râteaux derrière leur clôture. Et en fait, quand ils ont vu débarquer tous ces gentils huluberlus, en fait, tout s'est très bien passé. Et ça aurait pu être être grave. Il y aurait pu y avoir des agressions, etc. Parce qu'on ne sait jamais comment certaines personnes réagissent à la promiscuité, à la drogue ou que sais-je. Et en fait, les autochtones eux-mêmes avaient été relativement séduits par la gentillesse, etc. Des gens, un petit peu comme le Hellfest. Au début, il y avait toujours des gens, quand ils voyaient un grand festival de métal de nos jours, organisé dans une petite ville comme Clisson, qui avait peur, que des gens ont eu peur qu'il y ait des débordements. Puis en fait, quand ils voient tous ces métalleux un peu impressionnants avec leur look, certes, mais en attendant, qui sont assez gentils malgré leur maquillage un peu bizarre, et bien du coup, les gens s'y sont faits et tout se passe très bien à chaque édition du Hellfest. C'est QFD. Voilà. Donc, pour l'anecdote, tout ça mériterait tout de même d'être cité, même si je vais calmer un petit peu sur les anecdotes et les faits divers lors du festival, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Ah, si, une dernière quand même. Excusez-moi, il y a eu un moment de violence pendant le Woodstock, un seul. Ça a été pendant le concert des Who. Il y a un militant anarchiste qui s'appelait Abby Hoffman qui est monté sur la scène. On ne sait pas comment il a fait. Il est monté sur la scène pour interrompre le concert de The Who pour protester contre l'emprisonnement d'un militant anarchiste qui s'appelait Sinclair, enfin je ne sais plus comment, ancien manager du MC5. Et il a dit: oui, vous êtes tous là, vous défoncez à écouter de la musique, mais pendant que vous vous amusez, il y en a un qui est en prison. Alors ça, vous voyez, c'était l'équivalent à l'époque des gens Palestine aujourd'hui, quoi. Vous êtes sur Facebook, vous parlez du réchauffement climatique, il y a un Jean Palestine pour venir vous dire: ouais, mais pendant que vous êtes là à glander sur Facebook, il y a Georges Ibrahim Abdallah qui est toujours en prison. Il n'y a aucun rapport avec le sujet. Vous êtes sur Twitter en train de parler du droit des femmes, il y a un Jean Palestine qui vient vous dire: oui, mais pendant que vous êtes là sur Twitter, il y a des enfants à Gaza qui meurent. Bref, c'est le genre d'emmerdeur, ce qu'on appelle aujourd'hui les trolls internet. Et bien, déjà, il y en avait à l'époque, et c'était un petit peu ce Abby Hoffman qui montait sur scène et qui l'a regretté d'ailleurs, parce que Pete Townshend, fallait pas le faire chier. Quand il a vu l'autre huluberlu monter sur scène et interrompre son set, il a pris sa guitare, il lui en a mis un coup dans la gueule. L'autre, il a valsé, et du coup, le concert a continué. Donc vous voyez, l'interruption a duré 3 secondes 5 dixièmes. Voilà, faut pas faire chier Pete Townshend. Et du coup, faut pas faire chier mon gentil technicien non plus, qui est en train de me faire des signes pour me dire: enchaîne mon gars, enchaîne, tu parles trop. Donc écoutez, on va continuer, puisqu'on approche de la fin de l'émission, avec un morceau un peu plus acoustique mais pas moins péchu, Country Joe and the Fish, qui protestait gentiment contre la guerre du Vietnam, c'était dans l'air du temps, avec ce titre qu'on va écouter tout de suite. Come out, man. be a man. Come on, fathers, don't hesitate. Send your sons off before it's too late. Be the first one on your block. Have your boy come home in a box. And it's one, two, three, what we fight for. Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the early gates. Well, I ain't no time to wonder why. What were you all gonna do? All right. Da-da-da-da-da-da-da-da. Je suis agriculteur. Je ne sais pas. Je ne sais pas parler en public, surtout à une telle foule. Vous avez prouvé quelque chose au monde entier, non seulement à l'État de New York, mais au monde entier. Vous formez le plus grand rassemblement jamais vu. Mais surtout, vous avez prouvé au monde que 500 000 gosses peuvent se réunir pour 3 jours de joie et de musique. Et uniquement pour ça, Dieu vous bénisse. Voilà, je crois que c'était une bonne manière d'annoncer la fin de l'émission avec ce discours de Max Yasger qui s'adressait aux demi-millions de jeunes gens qui avaient envahi le terrain qu'il avait mis à disposition quasi gracieusement et dont qu'il a jamais pu recultiver après parce que le terrain avait été piétiné pendant 3 jours. Voilà, Max Yasger, donc un fermier de Bethel, qui s'était adressé aux hippies en leur disant que il était assez étonné, agréablement surpris que ce fameux concert, enfin ce fameux festival dont on ne savait pas encore à l'époque qu'il serait mythique, eh bien, se déroule voilà, dans la joie et la bonne humeur, avec des hauts et des bas, parce qu'il y en a qui ont fait des dépressions, etc., enfin, qui ne supportaient pas la promiscuité. Il y a eu des problèmes techniques, comme je vous le disais, il y a eu de la pluie, mais finalement, sur le coup, ça a été un désastre financier pour les organisateurs, mais en quelques années, ils se sont rattrapés, ils ont récupéré leurs billes, avec notamment la vente de l'album, la compilation notamment, et le film qui est sorti, le film documentaire, sorti quelques années plus tard. Voilà, chers amis, c'était ce soir une émission consacrée au festival de Woodstock. Un peu une bizarrerie, un peu quelque chose d'un sujet un peu incongru dans une émission qui vous a habitué en général à parler de punk, de metal, de rock et de new wave. Et là, comme ça, plonger le nez dans les années 60, c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais fait, mais je tenais à le faire tout de même cette année, qui est le cinquantenaire de ce fameux festival et qui touche quand même à des styles musicaux que j'ai écoutés dans mon enfance malgré tout, qui m'ont touché et dont il y a encore de belles choses à se souvenir, même si je vous le répète, la plupart des groupes qui avaient du succès à l'époque sont tombés dans l'oubli, parce que des fois c'était quand même un petit peu de la merde, je pense aux Grateful Dead, je pense à des groupes de hippies dont on ne se souvient même plus le nom, ou de jazz rock, etc., etc. Il en reste tout de même de belles choses, Jimi Hendrix, Janis Joplin et les quelques groupes qui ont ponctué la playlist de ce soir. Mais bon, ne vous me prenez pas en ce qui me concerne, je suis comme Cartman dans South Park, je déteste ces putains de hippies. Et du coup, voilà, c'était quand même un peu. J'assume un petit peu ce paradoxe ce soir, en vous ayant passé de la musique de hippie tout en détestant ces braves gens qui aujourd'hui sont souvent des. Soit que c'est la génération de l'immédiate après-guerre, donc ce qu'on a appelé la génération du baby boom qui a 70 ans aujourd'hui et qui continue à nous faire la morale à nous autres les jeunes cons. Soit les néo-hippies, les babos, etc., qui vous parlent d'amour, d'air pur, etc., mais qui eux-mêmes vous vendent des méthodes de développement personnel en monnaie sonnante et trébuchante. Donc ce sont sous les dreadlocks, il y a quand même un cerveau de businessman ou de businesswoman. Voilà, donc je suis très réservé par rapport à ces braves gens, mais malgré tout, la scène des années 60 est tout de même un moment, quelque chose de précieux, qu'il convenait parfois, dans lequel il convient parfois de se replonger. Voilà. Et on va quitter, on va se quitter, chers amis, avec quelque chose d'un petit peu décalé comme à l'habitude. Et ce soir, ce sera avec un protest song. enfin une chanteuse de protest song qui faisait une reprise, c'était Joan Baez qui était enceinte de 6 mois lorsqu'elle a fait ce concert. Mais elle, vaillamment, elle était montée sur scène, contrairement à Bob Dylan qui était dans le coin et qui n'a même pas daigné se déplacer. Et donc elle est montée sur scène avec son ventre bien rond et elle a assuré un chouette concert ce soir-là, et notamment avec ce titre qu'on va écouter tout de suite, une reprise de The House of the Rising Sun. Je savais pas du tout qu'elle avait repris ce morceau, je l'ai découvert en préparant cette émission, donc c'était un plaisir pour moi. J'espère que ce sera pour vous, chers amis. Petite dédicace à ma maman qui est une grande fan de Joan Baez, contrairement à moi. Je tiens aussi à remercier, avant qu'on clôture cette émission, chers amis, le gentil régisseur d'Osmos Radio, Nourdine, qui me faisait des grands gestes derrière sa console, le petit nouveau chez Osmos Radio, Jordan. Et puis j'ai appris aussi qu'il y avait quelques nouveaux auditeurs de l'heure du loup qui étaient en train de se pignoler en écoutant la playlist de ce soir. Ça fait plaisir, vaille que vaille. Je sais pas si vous étiez en la main dans votre culotte grâce à ma voix suave et sensuelle ou bien juste à la playlist de rock que vous écoutiez ce soir. Peu m'importe, à vrai dire, soyez les bienvenus. Et puis si votre smartphone pègue un petit peu après l'émission, faites attention en le nettoyant. Mais bon, chers amis, on va se quitter en écoutant la voix intemporelle de Joan Baez avec cette reprise du titre The House of the Rising Sun. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une émission consacrée au Japon. Bisous, bonne soirée, à bientôt. To spin.